Conte pour la nuit de Noël de Paul de Poncevray. Rez-de-chaussée de célibataire, riche, élégant, amoureux, nuit froide, appartement chaud. Dans le petit salon contigu à la chambre à coucher, le maître du logis, homme jeune et de belle tournure, semble exercer son regard à suivre, sur le cadran du cartel, l'insensible déplacement de l'aiguille. 11 heures sonnent. Un dernier coup d'œil attentivement jeté sur la table dressée près de la cheminée assure Maxime que rien ne pêche. Les deux couverts sont placés non face à face mais l'un à côté de l'autre, afin que le chemin des baisers soit moins long. Les coupes de cristal élancées et fines de l'argenterie ancienne, opulentes et lourdes, se renvoient leurs étincellements. Et parmi les guirlandes de violettes et de boutons de rose courant sur la nappe est disposé tout un souper mondain, menu savant et délicat. Précaution qui rend inutile la présence gênante d'un valet. Une profusion de bougies distribuées aux quatre angles de la pièce en des appliques de cuivre ciselé, et au centre, portée par un lustre hollandais, répand une clarté vive et blanche, la seule clarté vraiment élégante et qui convienne au festin de l'amour, car seule elle ne dénature pas le ton des carnations féminines. Tout agité d'une émotion joyeuse, Maxime a renvoyé le valet de chambre. L'heure est venue d'aller au-devant de l'incomparable, de celle qui, simplement, lui dit un jour cette exquise fatuité mêlée de la plus tendre condescendance d'amour. « Si je voulais, je serais la plus jolie femme de Paris. Mais alors vous seriez jaloux. Je ne serais jolie que pour vous. » La rue est une de ces voies droites, sourdes, muettes et quasi désertes qui avoisinent la Trinité. Un coup d'œil les explore en entier. Le ciel était clair. Un croissant de lune et un million d'étoiles laissaient filtrer, à travers l'air transparent et glacé, une pâle lumière dans laquelle la flamme terne des becs de gaz marquait des taches jaunâtres. Toutes les anxiétés de l'attente, toutes les inquiétudes de l'amoureux enfiévré par le premier rendez-vous, en un quart d'heure, Maxime les a éprouvées. Voilà 15 minutes écoulées depuis l'heure fixée. Il arpente la rue, sans prendre garde à un petit vieux mendiant, à longue barbe, accroupi dans l'enfoncement de la porte même de son hôtel, et qui murmure par une voix rendue indistincte par le froid sans doute « Une petite charité, s'il vous plaît. » Cœur amoureux n'a pas plus d'oreille que ventre affamé. Non pas que Maxime fût égoïste et sec, mais tout entier occupé de son désir et de sa crainte, il n'entend positivement pas. De temps en temps, un roulement de voiture lui fait battre le cœur. La voici. Mais ce n'est qu'un fiacre cahotant qui gravit la montée de la rue perpendiculaire et ne s'arrête pas. Et d'instant en instant, quand il passe et repasse devant le petit vieux immobilisé dans son attitude de mendiant, Maxime entend comme une réponse à ses espoirs fous, alternant avec des désespérances folles, la psalmodie pitoyable. « Une petite charité, s'il vous plaît. » Mais alors que son esprit jouissait de rêver le bonheur prochain d'une fête amoureuse, dans un cadre luxueux, il chassa l'idée inélégante et attristante de ce mendiant, comme d'un brillant habit de velours et de soie où on propulse d'une chiquenaude une répugnante araignée. Cependant, le temps s'écoule. L'attendu ne paraît pas. Et dans l'esprit de l'amoureux surgissent l'un après l'autre les sombres hypothèses. Pourquoi ne vient-elle pas? Un scrupule du dernier pas à franchir? Un obstacle matériel? Lequel? Veuve, libre, riche, rien ne devrait l'arrêter. Il n'en est pas encore au soupçon du manque volontaire de parole, il a foi en elle. Mais il se reproche d'avoir consenti à la laisser venir seule, à cette heure tardive. Un soir de réveillon, la rencontre est fréquente de gens échauffés, même avant messe et souper. Mais elle n'a pas voulu autrement, lui a défendu de la guetter au-delà de cette rue, à l'entrée de laquelle la déposerait le fiacre vulgaire qui, pour la circonstance, remplacerait sa voiture. Tout près de lui, la voix cassée répète « J'ai grand faim, j'ai grand froid, mon bon monsieur. »« Qu'est-ce qu'il veut que j'y fasse ?» grommela Maxime, dont l'humeur s'irritait par l'impatience et l'incertitude croissante. Quelques instants encore et le soupçon a pris naissance. Elle s'est moquée de moi. Sa promesse, propos de coquette, résolu d'avance à décevoir l'espérance suggérée. Minuit sonne. Tout près d'abandonner la partie et de s'enfuir au club, passer sa rage en perdant quelques milliers de francs, il murmure. C'est dommage. Une si jolie femme et que j'aime si bien. » Et aussitôt après, autre forme de regret. « Et un si gentil souper, un si bon feu. J'ai grand faim, j'ai grand froid. Et quoi, il est toujours là, ce pauvre diable ?» Les yeux levés au ciel, comme pour le prendre à témoin de sa déconvenue imméritée et de la déloyauté de la belle, Maxime avait failli heurter du pied le mendiant obstiné. « Vous avez froid ?»« Eh oui, oui !» fit le vieux grelottant. « Eh bien, levez-vous, marchez un peu. Trop faible, faim, froid. » Sa voix n'était qu'un souffle. « C'est vrai, il y a des gens bien infortunés, » se dit Maxime, s'apitoyant. « Tandis que je me désespère pour un rendez-vous manqué, moi qui ai bon souper, bon gîte. Sinon, le reste, voilà un humain qui demain sera peut-être mort de froid et de faim à ma porte, en maudissant les riches. » Et quand je pense que j'ai là sur une table pour 15 louis de victuailles, de vin, de friandises, de liqueurs, dont fait fi la millionnaire à qui je servais mon cœur comme dessert. Si je... Oui, c'est une idée. Il ne s'attend pas à celle-là, le vieux. Eh bien, il va faire un réveillon qui lui paraîtra un rêve dont il ne voudrait pas s'éveiller. Dites donc, mon vieux, il ne faut pas rester là. Levez-vous, suivez-moi. Où donc ? Fit l'autre d'une voix traînante. Je peux plus aller. « Là, chez moi, un seul pas à faire. » Il tendit la main au pauvre afin qu'il se soulevât et le fit entrer. « Tenez, mettez-vous à cette place. Celle qui devrait l'occuper ne se soucie ni du souper ni de l'amphitryon. Ôtez donc votre manteau. » S'il n'avait eu l'esprit si distrait par son chagrin d'amour, Maxime n'eût pas manqué de s'étonner de l'étrange pauvreté du mendiant. Sa limousine ample et propre était de bonne étoffe de laine, doublée de flanelle claire. On y voyait bien, il est vrai, quelques déchirures, mais elles semblaient dues à tout autre chose que l'usure, à des coups de ciseaux, par exemple. Du reste, le vieux refusa de se dévêtir, prétextant que le dessous n'était pas montrable. « Retirez au moins votre chapeau. Permettez que je le garde, mon bon monsieur. Sans lui, je perds mes cheveux. » Maxime trouva plaisante la réponse sans chercher plus loin. « Soit, comme vous voudrez, buvez un coup et mangez. » Il emplit le verre d'un flot doré de Château-Yquem et chargea l'assiette d'un chaud-froid de gibier. Le vieux ne disait rien, paraissait fort empêché de manger et de boire, et semblait ne pouvoir, à travers les poils longs et emmêlés de sa moustache tombante, trouver sa bouche. Faut-il qu'il y ait longtemps qu'il jeûne, il en oublie le chemin de sa bouche, s'écria le jeune homme en riant. Cependant le vieillard, de sa voix indéfinissable, reprit. Et vous, ni boire ni manger ? Ah ! « Mon appétit s'en est allé. Ne vous gênez pas. Prenez tout ce que vous voulez. Le reste, vous l'emporterez. »« Vous êtes malade ?»« Pire que cela. Malheureux. » »« fit l'autre en jetant autour de lui et sur la table un regard qui signifiait « Je vous conseille de vous plaindre. » Maxime le comprit. « Ah, vous trouvez, s'écria-t-il, que je n'ai pas le droit de me plaindre, parce que j'ai la fortune, le luxe, bon foyer, chair fine et loisirs. »« Oui, à vous qui manquez d'asile et de pain, mon vieux. » Ces choses-là doivent paraître les plus importantes. Mais moi, je n'en sens plus le prix depuis que mon cœur souffre. Amoureux ? Oui. Beaucoup ? D'un amour qui prend toute ma vie. Depuis longtemps ? Depuis toujours. Et elle ? J'ai cru, j'ai espéré, je doute et je souffre. Elle a trahi ? Infidèle ? Cela, non. Qu'elle ne m'aime pas assez pour se donner à moi, possible. Qu'elle se donne à un autre, maintenant ? Après avoir juré de ne préférer personne, c'est une félonie à laquelle jamais je ne croirais qu'elle s'abaisse. Bon, il n'y a pas qu'une femme au monde, une autre. Jamais, jamais. Il n'en est pas qui ressemble à celle-là, il n'en est pas qui puisse la valoir. Et c'est pourquoi mon mal est sans remède et sans consolation. Et tenez, vieux père, je suis à la fois plus heureux et plus malheureux que vous. Il m'était permis de vous faire un peu de bien, de réchauffer votre corps glacé. Mais vous, pour moi, vous ne pouvez rien. Qui te l'a dit ? Riposte soudain le vieillard d'une voix jeune et vibrante. Cœur charitable se prépare bonheur et joie, regarde plutôt. Le feutre cabossé vole en l'air, emportant la barbe et perruque. La limousine rejetée découvre un personnage inespéré. Suzanne ! S'écrie Maxime après une seconde de stupéfaction. Suzanne, quoi ? C'était vous ? Ils se sont levés. Les voilà dans les bras l'un de l'autre, ravis, heureux, riant, parlant en même temps. « Hein, tu te vanteras encore de me deviner partout » fit-elle avec mutinerie. « Tu ne m'as pas reconnu. C'est vrai. Mais comment présumer? Ta voix même et ton accent dénaturé à travers cette barbe. Mais voyons, pourquoi cette comédie? C'est chose grave, mon cher Maxime, pour une femme qui ne veut pas gaspiller sa tendresse en plusieurs expériences, de se donner, de livrer son cœur, sa vie, son honneur. Notre liaison ne saurait sans indignité n'être qu'un caprice éphémère. Certes, je suis bien contente d'avoir entendu ce que tu ne croyais pas dire à ta Suzanne elle-même, de m'être convaincue de la sincérité, de la délicatesse de ton amour, bien heureuse de croire en toi et bien faire que tu n'aies pas admis un doute injurieux sur ma fidélité, même à l'instant où je semblais te manquer de parole. Cette joie seule vaut bien que l'on joue une petite comédie, mais je visais plus haut. Je voulais connaître bien ce que vaut le cœur offert en échange du mien. L'épreuve la plus sûre, c'est le chagrin. Il aigrit les mauvais et rend meilleurs les bons. Dans la crise douloureuse, le fond réel de nos sentiments éclate malgré nous et se manifeste sans masque ni phare. Si tu n'avais été compatissant à ce pauvre vieux à l'heure de la déception la plus dure, tu te serais privé toi-même de ta Suzanne. C'est moi que tu relaissais à ta porte. J'y étais, rappelle-toi, à l'heure convenue. Moi, j'aurais pu donner une aumône au pauvre sans le faire entrer. C'était prévu, l'acte suffisait. Je me serais alors dévoilé. Maintenant, l'appétit te revient-il? Tous les appétits, s'écria-t-il étourdiment. Rougissante, elle lui met la main sur la bouche. Mais ce ne fut qu'une défense passagère, et de la main ainsi donnée, les lèvres du jeune homme montèrent rapidement à celles de la jeune femme. Ainsi s'achève Conte pour la nuit de Noël par Paul de Poncevray.